Je termine au maximum de caméra. Quand tu fais une heure. 17h, c'est bon ? Tu fais une heure, 17h, 17h, 15h. Là, ça va être à quelle heure ? Moins un quart. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد chers frères qu'Allah vous garde on adresse les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala du fait de nous permettre de nous réunir dans ce lieu que nous espérons béni afin d'étudier ensemble certains principes de cette noble religion qu'est l'islam à propos de laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Inna ad-dina inda Allahi l'islam » La religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Et à propos de laquelle il a dit « وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » Et quiconque recherche autre que l'islam comme religion, alors cela ne sera pas agréé de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. C'est donc un immense privilège qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde que d'être musulman. C'est un énorme privilège qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde que d'avoir connu la sunna. C'est un immense privilège qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde que par sa permission nous soyons épargnés des passions trompeuses et de l'égarement. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous affermir et ce jusqu'à ce que nous le rencontrions, Azza wa Jal. Ce que l'on va tenter d'aborder ensemble aujourd'hui, c'est un sujet très important, lié à un hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été recueilli par l'imam Abu Daoud, rahimahullah, dans ses sunan. Il a dit que Abdurrahman ibn Amr al-Sulami ainsi que Hujr ibn Hujr ont dit nous nous sommes présentés à Al-Arbad ibn Sariya qui faisait partie de ceux qui furent visés par la descente du verset وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ Pas de reproche non plus à faire à ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur fournisses une monture et à qui tu as dit « Je ne trouve pas de monture pour vous ». Ils retournèrent les yeux débordants de larmes, tristes de ne pas trouver de quoi dépenser. Donc Abdurrahman ibn Amr ainsi que Hujr ibn Hujr ont dit « Nous saluons Am et Jim. Nous sommes venus pour te rendre visite et pour apprendre. » Al-Irbad leur dit alors « Radiyallahu anhu » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a un jour dirigé en prière, puis il nous fit face et nous accorda une exhortation qui a fait frémir les cœurs et qui a fait pleurer les yeux. Quelqu'un dit alors au messager d'Allah, c'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Accorde-nous donc une recommandation. le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire alors, je vous recommande la crainte pieuse d'Allah, l'écoute et l'obéissance, même si celui qui vous dirige est un esclave. Et dans certaines versions du hadith, chez autre que Abu Daoud, nous trouvons le terme abyssin, c'est-à-dire un esclave abyssin. Car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Cramponnez-vous donc à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés. Mordez-la à pleines dents et méfiez-vous des choses nouvellement inventées en religion, car toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation et toute innovation est un égarement. Afin d'aborder ensemble ce hadith, on va aborder plusieurs points. Premièrement, concernant les ulama du hadith, spécialistes du hadith, qui ont recueilli ce hadith dans leurs livres, et on va en mentionner quelques-uns. Parmi eux, donc, nous avons mentionné l'imam Abu Daoud. Et d'ailleurs, ce que nous venons de lire, c'est la version qui est présente dans ses sunan. Parmi ceux qui l'ont rapporté également, le shir de l'imam Abu Daoud, l'imam Ahmed ibn Hanbal, dans son musnad. De même que l'imam al-Tirmidhi, dans son jami'. Et d'ailleurs, il a fait suivre la mention de ce hadith en disant que c'est un hadith qui est bon et authentique. Également Ibn Majah dans ses sunan, ainsi que Ibn Hibban dans son recueil de hadith authentique. Quant au degré d'authenticité de ce hadith, nous avons vu que l'imam al-Tirmidhi a dit qu'il était bon et authentique. Quant à Al-Hakim, il l'a considéré authentique et exempt de tout défaut. De même qu'Ibn Hibban, et ce du fait qu'il a mentionné dans son recueil authentique, le fait qu'Ibn Hibban et mentionner ce hadith dans son recueil authentique, Sahih ibn Hibban, ça signifie qu'il le considérait comme tel. Quant à Abu Nu'aym, il a dit c'est un hadith convenable, comptant parmi les transmissions authentiques des rapporteurs de la région du Sham. La région du Sham, pour vous la situer, c'est la région de la Syrie. Abu Nu'aym de continuer en disant, quant à Al-Bukhari et Muslim, s'ils ne l'ont pas rapporté, ce n'est pas à cause du fait qu'ils les considéraient comme étant faibles. Ils ne l'ont pas mentionné, mais cela ne signifie pas qu'ils le considéraient comme étant faibles. Ibn Abd al-Barr, c'était un érudit du hadith, un grand savant du hadith, du 5e siècle de l'Hégire. Et il était considéré comme le spécialiste du hadith en Orient, dans le Maghreb. À la même époque, d'ailleurs, il n'y a que quelques mois qui ont séparé la mort de ces deux érudits, il y avait Al-Khatib Al-Baghdadi, qui était le spécialiste du hadith en Orient. Donc Ibn Abd al-Barr, il a fait mention du fait qu'Al-Bazzar a considéré ce hadith comme étant un hadith qui est établi. Et il a approuvé ce jugement-là dans son livre Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi. Et parmi les ulama contemporains, le noble Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, l'a considéré comme un hadith qui est authentique, et ce dans son livre exceptionnel intitulé Irwa al-Ghalil. Irwa al-Ghalil. Donc c'est un hadith qui est authentique. Le deuxième point, relatif à l'étude de ce hadith, il est lié au compagnon qui l'a rapporté. Et on a vu que c'est Al-Irbad ibn Sariya. Al-Irbad ibn Sariya, sa kunya c'était Abu Najih. C'est donc Abu Najih, Al-Irbad ibn Sariya, As-Sulami. Radiyallahu anhu. Le troisième point, il va consister à analyser les différentes parties de ce hadith, afin d'en comprendre l'essence et d'en tirer les enseignements. Et pour ce faire, on va essayer de donner des titres aux différentes parties du hadith en question dont vous avez entendu le texte précédemment. Le premier point qu'on peut tiré de ce hadith, le premier des enseignements, il est lié au principe de l'exhortation. On a vu que Al-Irbad ibn Sariya a dit à Abdurrahman ibn Amr al-Sulami ainsi qu'à Hujr ibn Hujr, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a un jour dirigé en prière, puis il nous fit face et nous accorda une exhortation qui a fait frémir les cœurs et qui a fait pleurer les yeux. Il faut savoir que l'exhortation, c'est le fait d'inciter à faire de bonnes actions et à délaisser les mauvaises en cherchant à susciter la peur et l'effroi dans le cœur de l'interlocuteur. C'est ça qui est visé par l'exhortation, al-maw'idha. L'exhortation qui a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve dans certaines versions de ce hadith qu'elle a eu lieu de manière exceptionnelle après la prière du subh, ce qui n'était pas habituel de sa part sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui montre l'importance des sujets qu'il y a abordés. C'est pour cela qu'il a donné cette exhortation là à un moment qui n'était pas habituel. Il n'était pas habituel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorte ses compagnons à ce moment-là, c'est-à-dire après la prière du subh. L'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était d'exhorter ses compagnons. Cependant, il ne le faisait pas tout le temps. Il le faisait souvent, mais pas tout le temps. Et ce, afin de ne pas provoquer la lassitude de ses compagnons. Donc, il le faisait de temps à autre, de manière relativement fréquente. Cependant, il ne le faisait pas tout le temps afin de ne pas provoquer la lassitude de ses compagnons, radiyallahu anhum. Son état lors de l'exhortation, il changeait. L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, a rapporté d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma, que lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donnait un sermon, ou lorsqu'il dispensait un rappel, sa colère montait, sa voix se haussait, et ses yeux devenaient rouges. C'est comme s'il annonçait l'arrivée d'une armée en disant à ses compagnons, vous voici assaillis matin et soir. Ce qui montre donc le ton qu'il adoptait lorsqu'il donnait ces exhortations-là à ses compagnons, radiallahu anhum. L'exhortation qu'a donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons ce matin-là, et qui nous est relatée par Al-Irbad ibn Sariya, c'était une exhortation qui a été décrite par ce dernier, dans certaines versions du hadith, comme étant une exhortation éloquente, une maw'idha balira, éloquente. Qu'est-ce que c'est que l'éloquence? L'éloquence était une des caractéristiques du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'éloquence, al-balara, c'est le fait de faire comprendre les sens voulus et de les faire parvenir au cœur de l'auditoire, c'est-à-dire au cœur des interlocuteurs, au cœur des personnes à qui tu t'adresses, de la meilleure des manières, en choisissant les termes les plus appropriés, les plus agréables à l'écoute et les plus à même de s'installer dans les cœurs. C'est ça l'éloquence. Et telle était la caractéristique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à l'état des croyants, à l'écoute du rappel, à l'écoute du sermon, à l'écoute de l'exhortation, nous la retrouvons dans l'état de ses compagnons qui ont reçu l'exhortation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous est relaté ici par Al-Irbad ibn Sariya. Qu'est-ce qu'a dit Al-Irbad ibn Sariya? Il a dit une exhortation éloquente qui a fait frémir les cœurs et qui a fait pleurer les yeux. Et tel était l'état des compagnons, et tel est l'état des croyants à l'écoute de l'exhortation. Allah tabaraka wa ta'ala dit innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Les véritables croyants sont ceux dont les cœurs frémissent lorsqu'Allah est mentionné. Il a également dit subhanahu wa ta'ala wa bashshir al-mukhbitin alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Et fait la bonne annonce aux humbles, ceux dont les cœurs frémissent lorsqu'Allah est mentionné. Tu retrouves donc également ici le fait que les cœurs frémissent, cœurs des croyants frémissent. Allah tabaraka wa ta'ala a également dit Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. Le temps n'est-il pas venu pour ceux qui ont la foi que leur cœur s'humilie face à la mention d'Allah et de ce qui fut descendu comme vérité? Donc tu retrouves ici également l'humilité du cœur et le fait que le cœur frémit. Et Allah tabaraka wa ta'ala a également dit وإذا سمعوا ما نزل على الرسول وإذا سمعوا ما نزل على الرسول تفيض أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق. Et lorsqu'ils entendent ce qui fut descendu sur le messager, tu vois leurs yeux débordés de larmes du fait de ce qu'ils connaissent de la vérité. Donc tu retrouves dans ces quelques versets-là les deux caractéristiques que nous trouvons dans le récit d'Al-Irbad ibn Sariyah, à savoir que les croyants, à l'écoute du rappel, à l'écoute de l'exhortation, leurs cœurs frémissent et leurs yeux coulent de larmes. Le deuxième point, le deuxième enseignement que l'on peut tirer de ce hadith, c'est l'intérêt des compagnons qu'ils portaient au bien et qu'ils portaient à l'apprentissage de la vérité. On le retrouve dans la partie du récit relatée par Al-Irbad ibn Sariyah lorsqu'il a dit, quelqu'un dit alors, ô messager d'Allah, c'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Fais-nous donc une recommandation. La question se pose, comment ont-ils su ou comment cette personne a su que c'était là l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux? Il y a plusieurs éventualités. Il est possible que ce soit dû à l'insistance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam face au point qu'il a abordé durant cette exhortation. Et également, au moment qu'il a choisi, inhabituel, afin de donner cette exhortation-là. Et il est connu que celui qui est en train de faire ses adieux, il va accorder une importance et une attention toute particulière à ce qu'il dit. Et il va être méticuleux dans les choix qu'il va, dans le choix qu'il va faire, du sujet qu'il va aborder. C'est d'ailleurs dans ce sens, comme l'explique Ibn Rajab al-Hanbali dans son commentaire de ce hadith, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam incitait ses compagnons, lorsqu'ils priaient, à prier la prière de celui qui fait ses adieux. Car celui qui fait ses adieux, il va être amené à chercher à parfaire son œuvre. Et il va être méticuleux dans cela. Et lorsque ce compagnon, il a remarqué l'intérêt du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au point qu'il a abordé durant cette exhortation, il en a déduit que c'était là l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Il est aussi envisageable que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait fait allusion à cela dans son exhortation, ce qui a mené ce compagnon à dire c'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. L'intérêt des compagnons, tu le retrouves dans le fait qu'ils ont saisi l'occasion pour demander une recommandation. Ils avaient soif de savoir, soif de vérité, et c'est pour cela donc que cette requête a été faite au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il lui a été dit, fais-nous donc une recommandation. Qu'est-ce qui était visé par cette demande de recommandation? Ibn Rajab al-Hanbali explique que la recommandation qui était recherchée ici, c'était une recommandation générale et suffisante, qui soit générale, qui englobe tout ce dont les compagnons avaient besoin et qui soit suffisante dans cela. Le troisième point relatif à ce hadith et aux enseignements à en tirer, il concerne la compassion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se manifestant dans le fait qu'il aurait donné ces recommandations-là. Et la compassion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on la retrouve dans de nombreux hadiths, dans de nombreux récits de compagnons qui expliquaient comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était parmi eux. Et également le fait qu'il ait cherché à tout leur transmettre, qu'il leur ait réellement tout transmis de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui avait ordonné de transmettre. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala a recueilli dans son recueil authentique un récit très important dans lequel un juif est venu voir Salman al-Farisi radiyallahu anhu, et il lui a dit sur le ton de l'ironie et de la moquerie, votre prophète il vous a tout enseigné, il vous a même enseigné comment vous comporter quand vous êtes en train de faire vos besoins. Salman al-Farisi rahimahullah ta'ala, est-ce qu'il s'est démonté comme on dit, et est-ce qu'il a eu honte comme le feraient certains contemporains face aux ennemis de l'islam? Il ne s'est pas démonté et il n'a pas eu honte. Au contraire, il l'a approuvé. Il lui a dit, certes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de ne pas faire face à la Qibla lorsque nous faisons nos besoins. Et de ne pas faire notre toilette intime avec notre main droite. Et de ne pas utiliser moins de 3 pierres durant la toilette intime. Et de ne pas utiliser durant la toilette intime de crottin ni d'os. Donc il a conforté dans cela. Et il a confirmé le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a tout enseigné. Tu retrouves cela dans ce que l'imam Ahmed ibn Hanbal ainsi que Ibn Hibban ont rapporté d'après Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Abu Dharr a dit une parole célèbre. Il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé et il n'y a pas un oiseau qui déploie ses ailes dans le ciel sans que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne nous ait tiré un enseignement relatif à cet oiseau. Et tout cela donc relève de la compassion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et du fait qu'il a transmis ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui avait ordonné de transmettre. Et c'est pour cela ici que lorsque les compagnons lui ont demandé de leur accorder cette recommandation-là, il s'est exécuté et il leur a donné cette recommandation générale et suffisante, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir donc que les recommandations qui vont suivre, que nous avons mentionnées et que nous allons essayer d'étudier ensemble, représentent les fondements de la voie prophétique. Ça représente les fondements de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et par là même les fondements de la voie des plus prédécesseurs, as-salafiyya. Cela nous amène donc au quatrième point, au quatrième enseignement, relatif à la crainte pieuse d'Allah tabaraka wa ta'ala. La crainte pieuse d'Allah, c'est-à-dire la taqwa. La première recommandation que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donnée, c'est qu'il leur a dit, je vous recommande la crainte pieuse d'Allah. Il faut savoir que at-taqwa, la crainte pieuse d'Allah, c'est le but qui est visé par l'adoration. Et rappelons que l'adoration, c'est le principe pour lequel Allah tabaraka wa ta'ala a créé les djinns et les hommes. Il a dit dans surat al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dans surat al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala, après avoir mentionné les croyants, après avoir mentionné les mécréants, et après avoir mentionné les hypocrites, il a réuni ces 3 catégories de personnes-là et leur a adressé l'appel suivant. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les gens, ça englobe les croyants dans la mention précédée dans sourate al-Baqarah. Ça englobe également les mécréants, dont la mention a précédé dans la même sourate, et également les hypocrites. Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum, qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédé, la'allakum tattaqoun, afin que vous atteigniez la crainte pieuse, at-taqwa. Donc, le but visé par l'adoration, qui représente la sagesse pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a créé les djinns et les hommes, ce but-là, c'est la concrétisation de la crainte pieuse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, ça te met en évidence l'importance de ce principe-là. At-taqwa, la crainte pieuse d'Allah, c'est également la recommandation qui a été donnée aux premières générations ainsi qu'aux dernières. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Et nous avons donné la recommandation à ceux à qui le livre a été attribué avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre pieusement Allah. Tu retrouves à nouveau ici la taqwa et la place importante qu'elle occupe. At-taqwa, la crainte pieuse d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est également l'objet de la recommandation qu'adressait le messager d'Allah, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons, que ce soit de manière individuelle ou que ce soit lorsqu'ils étaient réunis. Lorsqu'ils étaient réunis, l'exemple c'est le hadith al-Arbad ibn Sariya que vous avez entendu et que vous connaissez déjà. L'exemple, parmi les exemples, des recommandations qu'il adressait à ses compagnons à titre individuel et qui avaient pour objet la crainte pieuse d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est ce que l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala a recueilli dans son jami' comme recommandation adressée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Abu Dharr et à Mu'ad radiyallahu anhuma, lorsqu'il a dit: crains pieusement Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera, et comporte-toi avec les gens avec un bon comportement. Tu retrouves donc ici, à la tête de ces recommandations-là, la recommandation de la crainte pieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte pieuse d'Allah, at-taqwa, c'est également l'objet de la recommandation que se faisaient les salafs entre eux. L'imam al-Darimi rahimahullah ta'ala a rapporté, a recueilli dans ses sunan, qu'un jour une personne est venue voir Ibn Abbas radiyallahu anhuma et lui a dit: accorde-moi une recommandation. Ibn Abbas lui a répondu: je te recommande la crainte pieuse d'Allah, at-taqwa, la droiture, al-istiqama, et la conformité et le suivi des traces de ceux qui t'ont précédé, al-athar. Suis et n'innove pas. Ittabi' wa la tabtadi'. À la tête de ces recommandations-là, tu retrouves quoi à nouveau? La crainte pieuse d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ibn Rajab a expliqué que la concrétisation de ce principe-là, ce principe de taqwa, ça contient la félicité dans l'au-delà. Et c'est donc là quelque chose de primordial et d'indispensable. La question se pose à présent: qu'est-ce que c'est que la taqwa? Les ulama de l'islam, les ulama de la sunna ont expliqué ce qu'est la taqwa, la crainte pieuse d'Allah. Et ils ont donné différentes définitions qui au final se rejoignent. On va en citer quelques-unes. La première qu'on va citer, elle est relativement connue, c'est celle qui consiste à dire que la taqwa, la crainte pieuse d'Allah, c'est le fait que tu places entre toi, le châtiment d'Allah, sa colère et son courroux, une barrière. Une barrière constituée de quoi? Une barrière constituée de l'accomplissement des ordres qu'Allah te donne et du délaissement des interdits qu'Allah tabaraka wa ta'ala a énoncé. Une autre définition qu'on peut mentionner, c'est la définition qui a été donnée par Talq ibn Habib. Talq ibn Habib, rahimahullah ta'ala, il faisait partie de la deuxième génération de l'islam. Il faisait partie des tabi'in, ceux qui ont succédé aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon, c'est quelqu'un qui a rencontré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en apportant foi en son message et qui est mort dans cet état-là, même si entre temps il lui arrivait d'apostasier, comme l'a expliqué Ibn Hajar dans son célèbre épître intitulé Nukhbat al-Fikr. Quant au tabi'i, c'est celui qui a rencontré un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tout en étant croyant et en apportant foi au message du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc Talq ibn Habib faisait partie de cette génération-là, la génération des tabi'in. Cette génération qui a connu beaucoup de troubles et de dissensions. alors que des troubles avaient éclaté au sein de la communauté musulmane, des gens sont venus voir Talq ibn Habib et ils lui ont dit: quelle est donc l'issue à ces troubles et à ces dissensions? Talq ibn Habib leur a répondu: lorsque les troubles et les dissensions arrivent, repoussez-les par la taqwa, c'est-à-dire par la crainte pieuse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceux qui l'avaient questionné lui ont alors dit: mais qu'est-ce donc la taqwa? Qu'est-ce donc la crainte pieuse d'Allah? Talq ibn Habib rahimahullah ta'ala leur a répondu en leur définissant ce qu'est la taqwa, et cette définition a été décrite par bon nombre de ulama comme étant la définition la plus précise et la plus générale. Talq ibn Habib leur a dit: la taqwa, la crainte pieuse d'Allah, c'est que tu œuvres par obéissance à Allah en te basant sur une lumière venant d'Allah et en recherchant par là la récompense d'Allah, et que tu t'éloignes de la désobéissance à Allah en te basant sur une lumière venant d'Allah et en craignant par là le châtiment d'Allah. La lumière venant d'Allah qui est mentionnée ici par Talq ibn Habib rahimahullah ta'ala, c'est la lumière de la science, la lumière du savoir authentique basée sur le Coran, basée sur la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté. C'est également la lumière de la foi. Et c'est donc ça, la taqwa, que tu œuvres par obéissance à Allah en te basant sur une lumière venant d'Allah, en recherchant par là la récompense d'Allah, et que tu t'éloignes et t'écartes de la désobéissance à Allah en te basant sur une lumière venant d'Allah et en craignant le châtiment d'Allah. Donc c'est ici, en résumé, ce que représente la taqwa, cette première recommandation donnée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui contient la félicité dans l'au-delà. La recommandation suivante, c'est celle que nous allons aborder dans le cinquième point, et c'est la recommandation de l'écoute et de l'obéissance. On a dit que, et on vient de le répéter, que la crainte pieuse d'Allah, ça contient la félicité dans quelle demeure? Dans l'au-delà. Comme l'a expliqué Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Et il a également expliqué que l'écoute et l'obéissance, et on va expliquer inshallah ce que ça signifie, ça contient la félicité dans ce bas monde. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en donnant ces deux recommandations là d'une manière éloquente et brève, il a expliqué comment atteindre la félicité dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous octroyer à tous, autant que nous sommes, la félicité dans les deux demeures. Cette recommandation là c'est la recommandation de l'écoute et de l'obéissance. On la retrouve dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit: l'écoute et l'obéissance, même si celui qui vous dirige est un esclave. Et on a dit que dans une autre version de ce hadith, il est mentionné: même si c'est un esclave abyssin. Abyssin, c'est-à-dire originaire de l'Abyssinie, qui correspond à l'Éthiopie actuelle. C'est là un principe très important. As-sam' wa ta'a. L'écoute et l'obéissance. Un principe très important. Et il est opportun de mentionner et d'exposer certains textes du Coran et de la Sunna qui mettent en évidence l'obligation de l'écoute et de l'obéissance qui est due aux dirigeants. Le premier de ces textes-là, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans laquelle il dit: wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa uli al-amri minkum. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Il y a plusieurs points, plusieurs enseignements à tirer de ce noble verset. Premièrement, le fait que l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam doit être une obéissance absolue, alors que celle qui est due aux dirigeants est une obéissance qui est restreinte à ce qui relève du convenable. Et tu retiens cela du fait que Allah tabaraka wa ta'ala a dit, soyez attentifs, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. On remarque ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala a répété cet ordre, cet impératif, obéissez. Il a dit, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Ce qui veut dire que l'obéissance qui est due à Allah est une obéissance qui est absolue. L'obéissance qui est due au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est une obéissance qui est également absolue. Il faut savoir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit à son sujet son Seigneur, Azza wa Jal, ne se prononçait pas sous l'emprise de la passion. C'était plutôt une révélation qui lui était faite. Donc le fait de lui obéir, ça revient à obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. L'obéissance qui lui est due est donc une obéissance absolue. On remarque par contre qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas répété cet impératif, cet ordre-là, obéissez, lorsqu'il a mentionné les dirigeants. C'est pour cela qu'il a dit, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Cela signifie que l'obéissance qui leur est due est une obéissance effective, cependant elle est restreinte à ce qui relève de ce qui est convenable. C'est ce que nous retrouvons dans ce que Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Ali radiallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'obéissance n'est due que dans le cadre du convenable. Et on va revenir à cela plus en détail inshallah ta'ala. Le deuxième enseignement à tirer de ce verset, c'est le fait que les dirigeants qui sont visés ici et à qui nous devons l'écoute et l'obéissance, ce sont les dirigeants musulmans. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, wa ulil amri minkum, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Le fait qu'il ait dit et à ceux d'entre vous, ça veut dire et à ceux d'entre vous, ô musulmans. Donc ce sont les dirigeants musulmans qui sont visés ici. Parmi les textes qui mettent en évidence l'obligation de l'écoute et de l'obéissance qui est due, qui sont dues aux dirigeants musulmans, il y a ce que Al-Bukhari et Muslim ont rapporté dans leur recueil authentique d'après Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, qui rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, il incombe à l'individu musulman d'écouter et d'obéir dans ce qu'il aime et dans ce qu'il réprouve, sauf s'il lui est ordonné d'accomplir un acte de désobéissance, car si c'est le cas, alors il n'y a ni écoute ni obéissance. Concernant ce texte-là prophétique, authentique, il y a une question qui se pose et qui est peut-être venue à l'esprit de certains d'entre vous, hafidhakumullah. Est-ce que la négation de l'écoute et de l'obéissance ici est absolue ou est-ce qu'elle est restreinte? Autrement dit, si le gouverneur ordonne d'accomplir un acte de désobéissance, doit-on s'abstenir totalement de lui obéir dans le sens où on ne serait redevable d'aucune obéissance vis-à-vis de lui? Ou est-ce que cela est restreint à cette désobéissance en particulier? Afin de répondre à cette question-là, on va mentionner un autre hadith qui est également authentique, qui est rapporté par l'imam Muslim dans son recueil authentique d'après Auf ibn Malik radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs de vos émirs, c'est-à-dire de vos dirigeants, sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, qui invoquent pour vous et pour qui vous invoquez. Alors ici on s'arrête quelque peu avec la traduction de ce passage. Ici je dis qui invoque pour vous et pour qui vous invoquez. Ce passage-là, il peut également signifier le sens suivant, qui prie sur vous, c'est-à-dire la prière mortuaire lorsque vous mourrez, et sur qui vous priez lorsqu'il meurt. Donc ces deux sens-là sont envisageables concernant cette partie du hadith. Suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué en disant, quant au pire de vos émirs, ce sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, que vous maudissez et qui vous maudissent. Il lui fut alors dit, c'est-à-dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'allons-nous pas nous soulever contre eux par l'épée ? D'ailleurs, les compagnons qui ont entendu cela, c'est comme s'ils nous avaient dit, si jamais nous les détestons et qu'ils nous détestent, et que nous les maudissons et qu'ils nous maudissent, n'allons-nous pas nous soulever contre eux par l'épée ? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a alors répondu, non, tant qu'ils accomplissent parmi vous la prière, et lorsque vous constatez de votre dirigeant quelque chose que vous réprouvez, alors réprouvez son acte, mais ne cessez pas de lui obéir. Donc ici, la fin de ce hadith, mais ne cessez pas de lui obéir, elle vient compléter ce que tu retrouvais dans le hadith d'Abdallah ibn Omar. Et il est connu que les adeptes de la sunna, afin de comprendre correctement un sujet, une question religieuse, ils réunissent les textes. Et ils ne regardent pas les textes avec un regard de borgne. Et plutôt, donc, ils les réunissent afin de les comprendre. Yahya ibn Ma'in, rahimahullah ta'ala, disait, un sujet donné dans la religion, tant que tu n'auras pas réuni les textes qui y sont relatifs, tu ne l'auras pas compris. Donc il est impératif de réunir les textes. Et quand tu les réunis, tu comprends que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce qu'a rapporté de lui Abdullah ibn Omar, sauf s'il lui est ordonné d'accomplir un acte de désobéissance, car si c'est le cas, alors il n'y a ni écoute ni obéissance, il vise par là cette désobéissance en particulier. Et il ne vise en aucun cas le fait que l'obéissance ne lui serait plus due dans le restant des affaires qu'il ordonne d'accomplir. Parmi les textes également qui mettent en évidence l'obligation de l'écoute et de l'obéissance qui sont dues aux dirigeants musulmans, ce que Ibn Zanjouya a rapporté d'après Abu Hurayra, rahimahullah ta'ala, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'écoute et l'obéissance ne sont pas uniquement dans ce que vous aimez, auquel cas vous délaisseriez ce que vous réprouvez. Mais l'écoute et l'obéissance résident plutôt dans ce que vous réprouvez ainsi que dans ce que vous aimez. C'est ainsi que nul grief, c'est-à-dire nul reproche, ne peut être fait à celui qui écoute et obéit. Quant à celui qui écoute et désobéit, il n'aura aucun argument en sa faveur. Ce hadith, comme l'a expliqué le noble shir, le défunt Abdussalam ibn Barjas, rahimahullah ta'ala, c'est un hadith qui, même si sa chaîne de transmission contient une certaine faiblesse, il se voit consolidé par d'autres textes et d'autres hadiths qui viennent appuyer l'essence qu'il contient. Également, parmi les textes que l'on peut mentionner, et vous les retrouvez justement dans le livre Mu'amalat al-Hukam du shir que je viens de mentionner, rahimahullah, ce que Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Ubada ibn Samit radiyallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés et nous lui prêtâmes allégeance. Et parmi les engagements qu'il a pris de nous, le fait que nous prêtions allégeance d'écouter et d'obéir, bon gré, mal gré, c'est-à-dire que cela nous plaise ou pas, dans la difficulté et la facilité, même si le droit d'autrui est placé avant le nôtre, et que nous ne disputions pas le commandement à ceux qui le détiennent. Il ajouta, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ajouté à cela, sauf si vous voyez une mécréance flagrante à propos de laquelle vous bénéficiez d'un argument venant d'Allah. En se rendant compte que les textes insistent sur l'importance des principes d'écoute et d'obéissance, y compris dans des situations extrêmes, comme vous avez pu vous en rendre compte, hafidhakumullah, à travers les différents textes que vous avez entendus. Et cela réfute l'interprétation de certains contemporains qui se sont basés sur un hadith recueilli par l'imam Muslim, donc qui est un hadith authentique, d'après Hudhayfa radiyallahu anhu, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu écoutes et tu obéis à l'émir, c'est-à-dire au dirigeant, même s'il te flagelle, c'est-à-dire il frappe ton dos, et te prend tes biens. Écoute et obéis. Ces contemporains, donc en question, ils ont dit que cela concerne des situations particulières dans lesquels un gouverneur qui à la base est un gouverneur qui est juste et équitable aurait ponctuellement, c'est-à-dire de manière exceptionnelle, commis une injustice vis-à-vis d'une personne en particulier. Mais que cette écoute, donc toujours selon ces contemporains-là, mais que cette écoute et cette obéissance ne serait pas due si cette injustice de la part du dirigeant venait à se généraliser. Ces contemporains-là ont tenu donc ce discours-là. Le musulman éveillé, qui comprend les choses et qui sait ce que les gens visent par leur discours, il se rend compte forcément que ces contemporains-là en question, ils ont un but derrière le discours qu'ils tiennent, derrière cette interprétation erronée qu'ils ont eue de ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi ce but? Le but en vérité, c'est à partir de là, de venir légitimer le fait de se soulever et de se rebeller contre les dirigeants musulmans en disant, ces dirigeants-là, ils ne sont pas visés par les textes dans lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne d'écouter et d'obéir. Car ces dirigeants-là, selon eux bien sûr, ils ont dépassé les limites du convenable et plus aucune écoute et plus aucune obéissance ne leur sont dues. Et à partir de là, ces contemporains-là, ils en arrivent à légitimer quoi? Les manifestations. Et pour enjoliver la chose, ils viennent appeler ces manifestations-là des manifestations pacifistes. Ce qui est appelé en quelque sorte une antiphrase. Une antiphrase c'est quoi? C'est que dans la même phrase tu dises une chose et son contraire. Et appeler des manifestations comme étant des actes pacifistes, c'est dire la chose et son contraire, car une manifestation ne peut pas être quelque chose de pacifiste. Et soulignons le fait ici que les manifestations n'ont pas leur place en islam. Les manifestations sont au minimum des choses strictement interdites en religion, et au maximum, ce sont des innovations. Et que ceux qui soutiennent les manifestations en islam se rendent compte et cherchent à savoir qui sont leurs ancêtres dans cela, qui c'est qui les a devancés. Et ils ne trouveront comme devanciers dans cela que des mécréants et des innovateurs. Dans la communauté, ce sont les Khawarij qui ont instauré cette innovation immonde. Lorsqu'ils se sont rebellés contre Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Donc ces contemporains-là, à partir de cette interprétation erronée, ils vont légitimer dans un premier temps les manifestations. Ils vont légitimer par la suite le fait de porter les armes contre les gouverneurs musulmans. Et ils vont légitimer la révolution. Et ils vont ensuite appeler ça comme étant un printemps arabe, alors qu'en vérité, comme les ulama l'ont dit, ce qu'ils appellent printemps arabe, en vérité c'est le printemps de l'Occident. Et qu'Allah nous préserve de l'égarement. Les hadiths relatifs au sujet réfutent cette compréhension que ses contemporains ont eue du hadith de Hudhayfa, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu écoutes et tu obéis à l'émir, même s'il te flagelle et te prend tes biens, écoute et obéis. Lorsqu'ils ont dit que ça c'était spécifique en vérité à un dirigeant qui à la base est juste et équitable, mais qui de manière ponctuelle et exceptionnelle aurait fait preuve d'une certaine injustice vis-à-vis d'une personne en particulier. De même que le contexte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prononcé. En effet, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au préalable, c'est-à-dire avant de dire ce que nous avons mentionné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il va y avoir après moi des imams qui suivent autre que ma voix et ne suivent pas ma sunna, et apparaîtra parmi eux des hommes au cœur de diable dans des corps d'hommes. Hudhayfa a dit alors: que dois-je faire donc si j'arrive à cette époque? Et c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu écoutes et tu obéis à l'émir, même s'il te flagelle et te prend tes biens, écoute et obéis. Donc ce hadith, en vérité, c'est un argument contre ses contemporains qui ont eu cette compréhension erronée du hadith. Car si tu analyses bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et je répète donc ce que vous venez d'entendre, il va y avoir après moi des imams qui suivent autre que ma voie et ne suivent pas ma sunnah. Est-ce que ça, on appelle ça une injustice ponctuelle exceptionnelle? Est-ce qu'il y a plus fort que cette chose-là? Et apparaîtra parmi eux des hommes au cœur de diable dans des corps d'âme. Et c'est à ce moment-là que Hudhayfa a demandé, que dois-je donc faire si j'arrive à cette époque? Et c'est là que le prophète alayhi salatu wasalam a dit, tu écoutes et tu obéis à l'émir, même s'il te flagelle et te prend tes biens, écoute et obéis. Une personne peut poser la question et dire, mais jusqu'à quand faut-il donc s'abstenir de chercher à renverser les émirs en place? Jusqu'à où? Jusqu'à quand? La réponse à cela, c'est jusqu'aux limites instaurées par la religion. Celles qui furent notamment mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Ubada ibn Samit, que nous avons déjà mentionné au préalable, et que nous répétons ici, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin, sauf si vous voyez une mécréance flagrante, à propos de laquelle vous bénéficiez d'un argument venant d'Allah. De ce hadith-là, tu peux retenir les conditions qui doivent être réunies afin que devienne légitime le fait de se soulever contre le dirigeant. Parmi ces conditions-là, la vision. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sauf si vous voyez ce qui implique la certitude et exclut le doute et l'approximation. Il ne suffit pas de dire on m'a dit que, ou j'ai entendu, ou j'ai cru entendre. Il faut que ce soit effectif, qu'il y ait la vision. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit sauf si vous voyez. La deuxième des conditions, c'est que cette mécréance soit flagrante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sauf si vous voyez une mécréance flagrante. C'est-à-dire qu'il ne soit pas le fruit d'une ambiguïté. Il ne s'agit pas ici du fait que le dirigeant en question ait prononcé une parole de mécréance à cause d'une ambiguïté qu'il a. Auquel cas, il ne serait pas légitime de se rebeller et de se soulever contre lui. Car le prophète alayhi salatu wasalam a dit une mécréance flagrante. La mécréance flagrante, c'est celle qui n'est pas le fruit d'une ambiguïté, et c'est la mécréance donc qui est claire et sans équivoque. La troisième des conditions, c'est de bénéficier d'un argument venant d'Allah. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, toujours dans ce même hadith, à propos de laquelle vous bénéficiez d'un argument venant d'Allah. C'est-à-dire, un texte formel, issu du Coran ou de la Sunna authentique. Donc, rien que dans ce hadith-là, tu retiens que ces trois conditions qui doivent être réunies afin que devienne envisageable le fait de se soulever contre le dirigeant en place. Rajoute à ces trois conditions-là deux autres conditions qui sont effectives par consensus des ulama. Et le consensus, al-ijma', c'est une preuve à part entière. Et ça, c'est important de le saisir et de l'assimiler, barakallahu fikum. Car il est fréquent qu'on dise quelle est la preuve, quelle est la preuve. Et parfois tu te rends compte que certaines personnes, lorsqu'elles demandent quelle est la preuve, elles ne savent pas en réalité à quoi correspond une preuve en religion. C'est important de le savoir. Tu demandes la preuve, il faut que tu saches à quoi ça correspond. Hafid al-Hakami, il disait adillatu shar'i sharif arba'a muhkam wa ayin sunnatun muttaba'a والثالث الإجماع حيث ينجلي والرابع القياس وخصوص ينجلي. Dans ces deux vers de poésie, Hafiz al-Hakami, il a résumé à quoi correspond ou à quoi correspondent les preuves prises en compte dans la religion. Et il a mentionné un texte, donc un verset coranique, où un texte formel tiré de la sunna. Et la troisième chose qu'il a mentionné, c'est al-ijma', le consensus, l'unanimité, l'unanimité consensuelle. Et la quatrième chose qu'il a mentionné, c'est quoi? C'est al-qiyas, l'analogie. Donc al-ijma', c'est une preuve à part entière. Et al-ijma' des ulama, le consensus des ulama, il stipule qu'il y a deux autres conditions à rajouter à ce que l'on trouve dans le hadith de Ubada ibn Samit concernant la légitimité de se soulever contre le dirigeant en place. Donc en plus de la vision qui doit être effective, en plus de la mécréance qui doit être flagrante, et en plus du fait de bénéficier d'un argument venant d'Allah, et on a expliqué à quoi cela correspondait, il faut impérativement que la capacité soit présente, la capacité réelle. C'est donc là la quatrième condition. Et la cinquième des conditions, c'est que le fait de se soulever ne mène pas à un mal plus grand. Il ne s'agit pas d'enlever un mal pour amener un mal plus grand. Cela étant dit, celui qui analysera ces conditions-là se rendra compte que seuls les ulama sont aptes à trancher dans ce genre de questions et à déterminer s'il est permis ou non de se soulever contre tel ou tel gouverneur. Et cela n'est pas donné à tout un chacun. Il ne s'agit pas que quelqu'un il vienne et il apprend, il y a cinq conditions, et il dit le gouverneur un tel, bon, on va voir si avec lui les conditions sont réunies, et il vient après nous amener sa compréhension et sa conception de la chose et venir légitimer le fait de se soulever contre le gouverneur. Car dans ce genre de sujet là il n'y a pas de doute qu'il est impératif et obligatoire de revenir aux ulama, et que seuls les ulama ont la possibilité de trancher dans cela. Et si les ulama, et si les musulmans mettaient en application cette chose-là, il n'y a aucun doute que nous aurions évité tous les troubles que nous avons connus. Quand les ulama disaient aux musulmans, ne sortez pas, ne vous rebellez pas, tu trouvais certains qui venaient et qui remettaient en question l'intégrité de ces ulama, et qui disaient, ces ulama en vérité, ils ne font que défendre les dirigeants. Ces ulama en vérité, ce sont les savants du pouvoir, et ils ne font que les défendre en vérité. Par Allah, cela est faux. Et cela n'est que calomnie. Car si les ulama, ils ont dit, ne vous soulevez pas contre un tel, ne vous soulevez pas contre un tel, ce n'est pas pour son intérêt, c'est pour l'intérêt de tout le monde, l'intérêt du dirigeant, l'intérêt de la communauté dans son entièreté. Et nous n'avons pas besoin de beaucoup épiloguer à ce sujet-là, car en réalité, l'actualité nous suffit. Et on a nos yeux pour constater à quoi a mené le fait de ne pas avoir suivi les recommandations et les orientations des gens de science. Wallahu al-musta'an. Naam. D'ailleurs, cette réalité-là, c'est une petite parenthèse ici, elle avait été en quelque sorte annoncée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah n'enlève pas cette science en l'arrachant de la poitrine des serviteurs, mais il la reprend plutôt par la mort des ulama. À tel point que lorsqu'il ne laisse plus de savants, les gens commencent à prendre comme tête des ignorants qu'ils questionnent et qui leur répondent sans science et qui ainsi s'égarent et égarent autrui. Il y a un sens de ce hadith qui est apparent, c'est la mort des ulama. Et les gens de science ont également mentionné que parmi les sens de ce hadith, il y a le fait que les ulama soient encore vivants et soient encore présents, mais que les gens ne reviennent pas vers eux et s'orientent plutôt vers des gens mauvais qui les orientent vers la perdition. Qu'Allah nous en préserve. Il est donc impératif, et nous allons y revenir, de suivre les recommandations des gens de science. As-salallahu tabaraka wa ta'ala li wa lakum at-tawfiq. Qu'Allah nous accorde la réussite. Parmi les finalités visées par ce principe d'écoute et d'obéissance, puisque nous sommes toujours dans des développements relatifs à ce sujet-là, ce que Ibn Rajab a mentionné dans le commentaire qu'il a fait de ce hadith, il a dit quant à l'écoute et l'obéissance due aux dirigeants, elles contiennent la félicité dans ce bas monde. Et c'est par cela que peut s'organiser les intérêts des serviteurs dans leur vie de tous les jours. Et c'est de cela qu'ils cèdent afin de pratiquer ouvertement leur religion. Fin de citation d'Ibn Rajab rahimahullah. On peut ajouter également que l'écoute et l'obéissance aux dirigeants musulmans permet de prévenir l'apparition de la divergence blâmable. Ce qui nous conduit d'ailleurs au sixième point relatif à l'explication de ce hadith. Ce sixième point, il concerne l'annonce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait de la divergence à venir. En effet, il a dit, car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Le fait qu'il ait utilisé ici le terme fa, donc la lettre fa, qu'on a traduit ici par car, ça montre que la concrétisation des deux recommandations que vous venez d'entendre, à savoir la crainte pieuse d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'écoute et l'obéissance aux dirigeants musulmans, permettent d'éviter de tomber dans la divergence blâmable. Donc c'est là la prévention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a également par la suite mentionné la guérison. Donc la prévention, c'est avant que le mal n'arrive, et la guérison, c'est lorsqu'il est survenu. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wasalam dit, car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. On va s'arrêter quelque peu avec ça, et ensuite inshallah on va aborder justement la solution ou les solutions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné concernant ce fléau qu'est la divergence blâmable. Il faut savoir que la divergence est de deux sortes. Tu as une divergence qui est tolérée et tu à une divergence qui n'est pas tolérée, une divergence qui est blâmable. La divergence qui est tolérée, c'est celle qui est liée à des questions religieuses d'ordre secondaire, lorsque les textes s'y rapportant prêtent à plusieurs interprétations et que le but recherché est d'être en accord avec la vérité. C'est-à-dire lorsque les deux parties qui divergent divergent à propos d'une question religieuse d'ordre secondaire. D'ordre secondaire, c'est-à-dire qui n'est pas relative aux bases de la religion, lorsque les textes qui s'y rapportent prêtent à plusieurs interprétations, et que le but recherché par les deux parties est d'être en accord avec la vérité. C'est une divergence qui est tolérée. La divergence qui est blâmable, c'est celle qui est liée au fondement de la religion, ou à des questions secondaires au sujet desquelles les textes sont formels. Et il ne prête donc pas à plusieurs interprétations. Également, parmi les divergences blâmables, les divergences qui pourraient survenir dans des sujets secondaires, na'am, dans lesquels les textes prêtent à plusieurs interprétations, mais dans le cas où un des deux parties ou les deux parties ne recherchent pas la vérité, mais cherchent autre chose que cela, qu'Allah nous en préserve. La première sorte de divergence, c'est-à-dire c'est laquelle qu'on a mentionné, on a mentionné donc deux types de divergences. Qui c'est qui peut nous les récapituler? La divergence, la première, c'était celle qui est tolérée. La deuxième, c'est celle qui est blâmable. Donc la première, c'est celle qui est tolérée. Et il faut savoir qu'elle était déjà survenue à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on le retrouve dans ce que Al-Bukhari et Muslim ont recueilli comme hadith rapporté par Ibn Omar radiallahu anhuma, qui a dit, au moment de s'éloigner des coalisés, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'écria, qu'aucun d'entre vous ne prie le dhuhr, c'est-à-dire la prière de dhuhr, ce que nous avons prié tout à l'heure, sauf à Banu Quraïda. Ibn Omar de continue en disant, certaines personnes craignirent de sortir de la plage horaire de la prière Et prière donc avant d'y être arrivé. C'est-à-dire avant d'être arrivé à Banu Qurayza, ils ont prié car ils ont eu peur de sortir de la plage horaire de la prière de Dhuhr. Tandis que d'autres, ils ont dit, quant à nous, nous ne prierons qu'à l'endroit où nous l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si nous devons sortir de la plage horaire. Puis cela fut mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire cette divergence-là a été mentionnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne réprimanda personne, c'est-à-dire il n'a réprimandé aucun des deux parties. Ce qui te montre que ce type de divergence-là est toléré. C'est-à-dire c'est dans un sujet qui est très important mais qui est secondaire. Quand on dit secondaire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Mais ça veut dire que comparativement aux bases de la religion, ça vient à un second plan. Le texte en question, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle pouvait prêter à deux interprétations. Et chacune de ces deux interprétations a été adoptée par chacun des deux parties mentionnées ici. Et le but, c'était la conformité avec la vérité, la conformité avec l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa sallam, il n'a réprimandé aucun des deux parties. Tayyib, une question maintenant. Étant donné que la divergence tolérée était survenue à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelle est donc la divergence qui est visée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Al-Irbad ibn Sariya que nous tentons d'étudier ensemble aujourd'hui, lorsqu'il dit « Car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences ». Est-ce que c'est la divergence de manière générale, que ce soit celle qui est tolérée ou celle qui est blâmable, ou est-ce que c'est avant tout celle qui est blâmable, ou est-ce que c'est celle qui est tolérée? C'est celle qui est blâmable. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wa salam, il est en train de parler de quelque chose qui va arriver. Il est en train de parler de quelque chose qui va arriver, pas de quelque chose qui est déjà survenu auparavant. Donc ça te prouve qu'ici, il est en train de parler des divergences, de la divergence blâmable. Qui c'est qui nous rappelle ce que c'est que la divergence blâmable? Diverger dans? On avait mentionné plusieurs points. Dans? Dans les fondements? Ou dans des sujets secondaires dans lesquels les textes seraient formels et ne prêteraient pas plusieurs interprétations? Ou alors, naam, si la personne ne cherche pas la vérité et elle ne cherche pas la conformité, dans ce cas-là, ça, c'est également une divergence qui est blâmable. Et c'est donc cela qui est visé par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cela ne nie pas le fait que la divergence tolérée est continuée à survenir par la suite. Mais ce qui est visé avant tout ici, c'est la divergence qui est blâmable. Que cette divergence soit liée aux bases de la religion, ou à ses ramifications, qu'elle relève de la croyance, des paroles ou des actes. Et cela d'ailleurs correspond, comme l'a expliqué Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, à ce qui a été rapporté dans le célèbre hadith de la division. Le célèbre hadith de la division, celui dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les juifs se sont divisés en 71 groupes. Les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et ma communauté va se diviser en 73 groupes. Tous sont en enfer. » Sauf un, et c'est Al-Jama'a. Al-Jama'a, c'est quoi? C'est, à la base, c'est le groupe. Mais qu'est-ce qui est visé par le groupe ici? C'est le groupe uni sur la vérité. Et pourquoi rajouter ici uni sur la vérité? On rajoute cela pour expliquer, pour plusieurs raisons. Premièrement, dans une version de ce hadith, le hadith de la division, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et cela donc revient à expliquer en quoi consiste Al-Jama'a, le groupe, il a dit, ce sont ceux qui sont sur quoi je suis aujourd'hui, moi et mes compagnons. Également parmi les causes qui nous mènent à expliquer le terme, le principe de Jama'a par groupe uni sur la vérité, la parole célèbre d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a été recueilli entre autres par l'imam Al-Alaka'i dans son livre Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jama'a. Il a dit Al-Jama'a, c'est que tu sois en conformité avec la vérité même si tu es tout seul. Donc le principe de Jama'a, ce n'est pas forcément une question de membre, mais c'est une question de conformité. La conformité à quoi? La conformité à ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum. Donc la division, elle a été annoncée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs textes. C'est ainsi qu'après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam, des groupes déviants apparurent, les khawarij, qui se sont entre autres égarés dans des questions liées à la mécréance et à la foi, notamment le statut dans l'islam du musulman qui commet des grands péchés et le statut du gouverneur qui juge avec autre que ce qu'Allah a révélé. Ce groupe-là s'est ainsi, c'est-à-dire le groupe des Khawarij, s'est isolé de la communauté et il a statué de la mécréance de la quasi-totalité de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il fut la cause de nombreuses effusions de sang. Et il faut savoir que la doctrine des Khawarij, elle se résume dans plusieurs points. Premièrement, le fait de faire fuir les musulmans de leurs dirigeants et de leurs ulama. Le deuxième point, c'est at-takfir, le fait de statuer sans droit de la mécréance des musulmans, notamment la mécréance des gouverneurs. Et troisièmement, at-tafjir, ce qui se retrouve dans les révolutions et dans les attentats suicides, dans les attentats à la bombe, visant les musulmans et visant des innocents. Après, les Khawarij, les Qadariyas sont apparus, qui quant à eux se sont égarés dans le sujet du destin. Puis les Shi'as, suivis des Mu'tazila, puis des Jahmiyas, yarhamukallah. Et comme il est dit, à chaque peuple ses héritiers. C'est ainsi que de nos jours nous trouvons les successeurs de ces groupes, y compris au sein de certains mouvements utilisant l'islam à des fins politiques, comme c'est le cas du groupe de Al-Ikhwan Al-Muslimoun. Il est important de savoir que ceux qui se réclament de l'islam ont énormément divergé, comme l'avait annoncé le prophète alayhi salatu wassalam, y compris à propos de la divinité qu'ils adorent. Certains disent qu'Allah tabaraka wa ta'ala est partout. Certains en sont arrivés à dire qu'il n'est ni au-dessus ni en dessous, ni à droite ni à gauche, ce qui revient à dire qu'il n'est nulle part, qu'Allah nous préserve d'une telle croyance. Tandis que les adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité, Ahl sunna wal jama'a, ils affirment qu'Allah tabaraka wa ta'ala est établi au-dessus de son trône, distinct de sa création. Et ils se basent dans cela sur les textes du Coran et de la sunna. Et ils se basent également sur le consensus des ulama. Et ils se basent également sur la prédisposition naturelle et sur la raison saine. Ces cinq éléments prouve sans hésitation qu'Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône, distinct de sa création. Également, tu trouves que ceux qui se réclament de l'islam ont même divergé à propos de la signification de la ilaha illallah, qui est pourtant la première des obligations qu'il incombe de concrétiser. La ilaha illallah, le premier des piliers de l'islam. Tu en trouves certains qui expliquent la ilaha illallah et qui te disent la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah. Alors cette déclaration-là, cette affirmation-là, en soi elle est juste, le fait que tu dises il n'y a pas de créateur sauf Allah. Il n'y a pas de doute sur cela. Mais ce n'est pas là le sens premier visé par le fait de dire la ilaha illallah. Les polythéistes de l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam leur disait « Dites la ilaha illallah et vous réussirez », qu'est-ce qu'ils ont répondu? Est-ce qu'ils ont accepté? Ils n'ont pas accepté. Ils ont dit « Aja'al al-alihata ilaha wahida, inna hadha la shay'un ujab » A-t-il fait, c'est-à-dire il visait par là le prophète alayhi salatu wassalam, A-t-il fait des divinités une seule divinité? Voilà quelque chose de bien étonnant. Si jamais la ilaha illallah, ça voulait dire qu'il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah, ils auraient donc approuvé cette chose-là, car eux-mêmes ils approuvaient qu'il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard la yaquluna Allah. Et si tu les questionnes, qui a créé les cieux et la terre? Ils répondent, c'est Allah. Donc, ils avaient cette conviction-là, qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul créateur. Mais ils ont été considérés comme polythéistes du fait qu'ils ont voué l'adoration à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, en plus de la vouer à Allah. Et ils recherchaient par là l'intercession des divinités qu'ils invoquaient, qu'ils adoraient en dehors d'Allah, et également le fait que ces divinités les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces polythéistes, ils approuvaient le fait et ils avaient la conviction qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul créateur. Par contre, ils n'ont pas accepté de dire la ilaha illallah, ce qui te prouve clairement que la ilaha illallah, ça ne veut pas dire il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah, bien que ça l'implique. Également, tu en trouves qui explique la ilaha illallah en disant que ça signifie il n'y a de Dieu que Dieu, ou il n'y a pas de divinité qui existe si ce n'est Allah. Et ça, c'est en contradiction flagrante avec l'énoncé coranique, avec la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui affirme dans plusieurs passages de son noble livre l'existence de divinité en dehors de lui. À titre d'exemple, il a dit: فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. Et ne leur furent d'aucune utilité les divinités qu'ils invoquaient en dehors d'Allah lorsque vint l'ordre de ton Seigneur. Donc il a affirmé l'existence, il a approuvé l'existence de ces divinités. Par contre, il a également exposé le fait que toutes ces divinités ne méritent pas l'adoration, et que la seule divinité qui mérite d'être adorée, c'est lui, subhanahu wa ta'ala. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Ceci car Allah est la vérité, et que ce qu'ils invoquent en dehors de lui représente le faux, et qu'Allah est le très haut et le très grand. Donc la ilaha illallah, ça ne veut pas dire il n'y a de Dieu que Dieu, ou il n'y a pas de divinité qui existe si ce n'est Allah. D'autres en sont venus à expliquer que la ilaha illallah, et c'est là le tour donc du groupe des tablighs, pour ne pas les citer, qui disent que la ilaha illallah, ça signifie, et comme je dis souvent, il faut s'accrocher pour comprendre. Et également, j'ai la conviction que bon nombre de tablighiens qui répète cette définition-là de la ilaha illallah, ils ne l'ont même pas comprise, tellement qu'elle est compliquée. C'est pour cela que certains d'entre eux, ils en sont arrivés à délaisser cette définition-là, mais malheureusement, ils ont opté pour une autre définition mauvaise en disant que la ilaha illallah, ça signifie il n'y a de Dieu que Dieu. Donc à la base, les tablighiens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la ilaha illallah, ça signifie que tu dois faire sortir la certitude qui réside dans les choses, afin de la placer à Allah et d'avoir la conviction qu'Allah est le seul créateur, a donné la vie, a donné la mort et a accordé la subsistance. Donc premièrement, ils en sont venus à nier quelque chose qui a pourtant été approuvé et affirmé par Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire le fait d'avoir la certitude dans des choses qui sont réelles. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'a pas réprouvé le fait que ses serviteurs aient la certitude en certaines choses. D'ailleurs dans le Coran, il dit kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma la tus'aluna yawma idhin 'an an-na'im. Non, si jamais vous saviez réellement avec certitude, vous verriez la fournaise. Donc avec certitude ici, le terme certitude il est utilisé, il est approuvé. Donc il n'y a pas de mal à avoir la certitude dans des choses qui sont réelles, effectives. Et ce n'est pas réprouvé par Allah tabaraka wa ta'ala. Mais en vérité, il y a derrière ce discours-là bon nombre de choses. Et il y a derrière des idéologies mauvaises, et ce n'est pas le moment de les développer. Mais on se contentera ici de cette brève allusion. Également parmi ce qui montre la caducité de cette interprétation de la ilaha illallah, ce que nous avons mentionné précédemment, lorsqu'ils disent donc que ça consiste à avoir la conviction qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul à donner la vie, à donner la mort, à créer, à diriger l'ensemble de sa création et à pourvoir en subsistance des choses qui sont réelles, qui sont vraies, mais qui ne sont pas visées dans un premier temps par la ilaha illallah, bien que en vérité la ilaha illallah contienne l'affirmation de ces choses-là. D'autres sont arrivés à dire que la ilaha illallah ça signifie il n'y a pas de juge si ce n'est Allah. Et c'est là le tour de Sayyid Qutb et de son frère Muhammad qui en sont venus à affirmer ces choses-là. Et c'est là quelque chose qui n'est pas correct. Ce n'est pas une interprétation correcte. Pourquoi ? Car cette chose-là, elle est certes inclue dans la ilaha illallah. Lorsque tu dis la ilaha illallah, comme on va le voir, ça signifie nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Tu affirmes le jugement à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ce n'est pas là la chose première qui est visée. Car la chose première qui est visée, comme on va le voir, c'est l'exclusivité de l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais là encore, il y a toute une idéologie qui se cache derrière tout cela. Car si c'est Qutb et son frère Muhammad et ceux qui les ont suivis par la suite, et Allah sait qu'ils sont nombreux, qu'Allah n'augmente pas leur nombre, pourquoi les ulama ils insistent sur Sayyid Qutb bien qu'ils soient morts depuis des années? Pourquoi ils insistent sur les égarements, sur le fait de dénoncer les égarements de Sayyid Qutb? Il faut savoir que Sayyid Qutb il est à la base de l'idéologie du takfir actuellement jusqu'à nos jours. C'est-à-dire le takfir que tu trouves, le fait que tu trouves chez bon nombre de musulmans cette facilité dans le fait de statuer de la mécréance des musulmans, notamment des gouverneurs, tout ça, ça vient de qui? Ça vient de l'idéologie, bien souvent de Sayyid Qutb, que tu retrouves donc chez Al-Ikhwan al-Muslimoun, Na'am, et que tu retrouves chez bon nombre de sectes et de groupes, que tu retrouves notamment chez le groupe de Al-Adl wal-Ihsan, Na'am, les suiveurs de Abdessalam, Yassine. Et tu trouveras que eux, le tafsir de Sayyid Qutb, le livre donc d'explication, d'exégèse du Coran de Sayyid Qutb, il est toujours dans leur bibliothèque. Pourquoi? Ce n'est pas anodin. C'est parce que ce groupe-là, bien qu'il soit à la base un groupe soufi, c'est également un groupe révolutionnaire, Na'am, qui utilise l'idéologie de Sayyid Qutb afin d'arriver à ses fins. Donc c'est pour cela, il ne faut pas s'étonner du fait que les ulama insistent sur les égarements de Sayyid Qutb. Donc le fait de dire que la ilaha illallah ça signifie il n'y a pas de juge si ce n'est Allah, et de fait de mettre donc ce principe de jugement et d'unicité dans le jugement au premier plan, ça a pour but d'en arriver au fait de statuer de la mécréance de musulmans qui ne le méritent pas, notamment des gouverneurs. Après avoir mentionné ces différentes explications erronées de la ilaha illallah, il est important de terminer sur la véritable explication de la ilaha illallah. La ilaha illallah, ça signifie la ma'bouda bi haqqin illallah. Nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Et c'est là ce qui est visé par cette parole immense, grandiose, l'emblème du tawhid, la première des obligations, la clé du paradis. La ilaha illallah, nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah هو العلي الكبير. Cela car Allah est la vérité, que ce qu'ils invoquent en dehors de lui représente le faux, et qu'Allah est le très haut et le très grand. Naam. Après avoir su que la taqwa, la crainte pieuse d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que l'écoute et l'obéissance comptent parmi les moyens de se prémunir de cette divergence blâmable qui a été annoncée par le prophète alayhi salatu wassalam et que nous venons d'aborder ici, il est important de se poser la question: quelle est l'issue permettant de sortir de cette divergence blâmable lorsqu'elle survient? Puisqu'on a vu donc que, on a mentionné précédemment, la crainte pieuse d'Allah et l'écoute et l'obéissance au gouverneur, ça relève de la prévention avant que le mal ne survienne, le mal de la divergence blâmable. Et il est important et opportun de savoir quelle est la guérison une fois que cette divergence blâmable survient. Et ce sera entre autres le sujet du second cours qui aura lieu après la prière d'El Asr. On va s'en tenir à cela pour le moment. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.